Comme chaque dimanche sur les 91-91 MHz de Sorgé FM, Michel est en votre compagnie. Pour vous présenter une heure d'accordéon. Et pendant une heure, Michel va réveiller le square. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et comme tous les dimanches, sur les 91 MHz, de 9h à 10h, vous avez rendez-vous avec Michel et ses amis accordéonistes. Dans son émission Accordéon Parade. Et ce dimanche, comme il fait beau, on irait bien faire un petit tour sur les ponts de Paris avec Gigi. Gigi Stock, sympathique accordéoniste qui nous vient d'Italie. Eh bien oui, sous les ponts de Paris, avec Gigi Stock qui vient nous emmener promener comme ça ce dimanche matin. Mais sous les ponts de Paris, il paraît que maintenant, il y a des camps, oui, des camps gitans. Et c'est Roger Laroche qui nous le dit, sympathique accordéoniste qui vient de Belgique. Merci à Monsieur João Nines qui vient nous interpréter ce classique de l'accordéon Indifférence. Un autre classique de l'accordéon, c'est une mazurka fantaisie interprétée par Monsieur Freddy Balta. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon Parade, c'est le bonjour de l'accordéon tous les dimanches. Une émission qui est rediffusée le mardi à partir de 11h. Et toujours sur les 91-91 MHz de votre radio sympathique sur GFM. Maintenant, nous allons écouter deux sympathiques jeunes hommes qui nous viennent d'Italie. C'est Fabio et Alberto. Alors, Fabio, c'est l'harmonica et Alberto, eh bien, Alberto, c'est l'accordéon. Alors, messieurs, si vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Toujours Fabio. We'll be right back. Oui, un grand bravo à ces deux musiciens. Merci à eux. Ça a été vraiment sympathique. Allez, un petit tango avec Frédéric. Frédéric Lenglet. Thank you. La bougnate est bien jolie fille, les gars, regardez ses charmes. La bougnate est simple et gentille, c'est fou comme on l'aime bien. Devant un canon de rouge, j'attends et mine de rien, j'ai pris attendant que bouge un petit bout de satin. La bougnate est trop jolie fille, aussi comme de vrais gendarmes. Ses parents et toute sa famille, la veille et la veille bien. La bougnate a les yeux de braise, je sais que ça vous enflamme. La bougnate est à Dieu ne plaise, fidèle à son Auvergnat. Devant un canon de rouge, les gars lui font du plat, rêvant toujours qu'elle bouge avec le même émoi. La bougnate a beaucoup de charme, aussi tout comme un gendarme. Bien heureux, je veille ma femme, car moi je suis le bougnat. Merci à Lulu Charleux qui vient de nous interpréter La Bougnate. Et pour danser cette java, oui, on peut dire que c'est une java, oui, allez, on va, on y va. Il faut de la cadence, hein, n'est-ce pas, Mimi? Ah, pardon. Pardon, monsieur Mimi Prudhomme. Comment la cadence? Ah, vous connaissez la cadence? Eh bien, on va vous écouter. Alors, les gars, qu'est-ce qu'il faut avoir aux musettes? La cadence! Oh, la cadence! Eh bien, on y va! Merci à monsieur Émile Prudhomme qui vient nous interpréter une java de sa composition des années 1950. Et maintenant, eh bien, nous allons faire une jolie marche. Vieux camarade, et c'est Roger Plumer qui nous interprète. Thank you. Eh bien oui, un grand bravo à notre ami Roger. Et maintenant, on va faire écouter une valse, une jolie valse, une composition de Maurice Denoux, et qui a été enregistrée en 1963, et ça a été le premier morceau enregistré par Harry William. André Verschuren ne voulait pas que son fils enregistre, et Harry William a enregistré en cachette cette valse, légende parisienne de Monsieur Maurice Denoux. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et je vous rappelle qu'Accordéon Parade est une émission pour les mordus du dépliant et c'est 100% musette sur la bande FM. Tous les dimanches, de 9h à 10h et voire plus. Émission que vous propose, que vous présente Michel et ses amis accordéonistes. ...100% musette sur la bande FM. Et ce dimanche matin, j'ai une sympathique jeune fille dans G Studio, c'est Carmen. Et c'est Guy Denis qui nous la présente, Carmen de Saragosse. Thank you.

de vivre, de belles robes pour toutes les midinettes. Amusons-nous dans ces fêtes tardives, au son des tambours et des castagnettes, accompagnés des mélodies des cuivres. Tard dans la nuit résonne la retraite, en attendant le lendemain la récidive. La la la, la la la la la la. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'émission d'Accordéon Parade. Une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel ce dimanche, avec ses amis accordéonistes. Hop là ! Et Accordéon Parade, c'est tous les dimanches entre 9h et 10h. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Et je vous rappelle qu'Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant et c'est 100% sur la bande FM. Et ce dimanche matin, pas mal de coups de téléphone, hein, des auditeurs et même des auditrices qui ont apprécié le sympathique duo italien Fabio et Alberto. Et oui, ils ont bien joué. À bientôt, chers auditeurs de Sorgia FM. Merci, bye bye et à revipa. écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Vous aimez l'accordéon ? Le vrai musette ? Eh bien, vous pouvez me retrouver, moi, Michel, tous les jours de la semaine sur Popcast, et oui, si vous avez Internet, Popcast, sur GFM. Toutes nos émissions sur Popcast, vous pouvez les écouter tranquillement, les réécouter. Alors, gênez-vous pas, soyez branchés sur Internet, Popcast, et mettez sur GFM, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous avez pas essayé ? Alors là, c'est vraiment pas sympathique. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. La détente, la bonne humeur. On décompresse le dimanche matin sur Sorgia FM à partir de 10h. Comment allez-vous ? Ça va ? Le soleil est là. C'est du bonheur. Et puis ce dimanche, eh ben, j'ai de sympathiques jeunes filles qui sont fans de Mozart. Ça ou pour piano, ça nous met en France, qu'est-ce que ça balance.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est jour plus tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain il sera malin. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho. Dites au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection dans les amours. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains. Voici qu'après 19 années, qu'avant les mois le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier. Devant Dieu, je le vois d'écho en écho, merveilleusement bonne, la nôtre François Nico, un seul cœur, une seule âme, il apparaîtrait pour toujours. Voyez une pure flamme qui s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour. Village au fond de la vallée, des jours, des nuits, le temps appuie. Voici quand la nuit étoilée, un cœur son d'or François est mort. Car toute chair, comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Et puis fruits mûrs, bouquets et gerbes, et la tendance s'échange. Une cloche sonne, sonne, elle chante dans la vente. C'est monotone, elle redit au vivant. Ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe à vous. Vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Merci à Mademoiselle Edith Piaf qui vient de nous interpréter avec les compagnons de la chanson « Les trois cloches », grand succès des années 1947. Et puis aujourd'hui, eh bien en fait les Edith, alors on va souhaiter une fête, une bonne fête à toutes les Edith qui écoutent les 91 MHz de Sorgia FM. Ah, je vous l'ai fait drôle celle-là, hein. Vous ne croyez pas que c'était la Sainte Edith aujourd'hui, mais si, j'ai vu ça ce matin. Bon, maintenant, eh bien maintenant on va parler à l'Éternel, ou plutôt c'est notre ami Popek qui va parler à l'Éternel, Popek. Je me sers de ta voix pour te parler. Seigneur Éternel, oh, bah, j'en crois pas mes yeux ni mes oreilles. Ça t'en fiche un coup, hein? Ah bah oui, alors. Toi ici, au théâtre des gymnases à Paris? Moi devant toi? Vous, public, témoin de Jéhovah qu'il est là devant moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Veux-tu savoir pourquoi je suis là? Oui, bien sûr, j'en serai très honoré, et le public aussi. J'ai besoin de toi. Oui. Les hommes font violence aux hommes. Ils ruinent ma création. Va, parcours les cités nucléaires et crie aux hommes qu'ils vont s'anéantir dans un même précipice. C'est trompé d'endroit, là. Qui saille, moi, que j'aille l'air crier ça, mais au nom de quoi? En mon nom. Au nom de l'Éternel. Et parce que j'étais élu. Élu? Moi? Mais j'ai jamais été candidat. Il doit y avoir une erreur, alors ça, c'est bien ma veine. Alors, tu viens me chercher, moi, un amuseur? Même pas reconnu d'utilité biblique par le trésor public? Mais regarde-moi, Seigneur éternel, je vais pas sérieux, on me rira au nez. Et si jamais on me prend au sérieux, ça sera pire. On invoquera mes origines, on dira encore eux, assez mêlés de tout, ils se prennent pour les messies. Mais non, mais non. Messie, messie. N'as-tu donc pas envie d'accomplir une mission dont j'étais si capable? Et d'avoir un grand destin? Non, non, pardonne ma modestie, mais je préfère avoir un petit destin dans le prêt à porter ou prêt à faire rire, plutôt qu'un grand destin prêt à me faire tabasser. Surtout qu'en ce moment, les grands destins en France, ils sont mis en examen les uns après les autres. J'essaierai avec toi. Non, non, non, non, ça va encore faire des histoires. On va rentrer dans un restaurant, je vais mettre l'hôtel de couvert. Le Seigneur est avec moi, l'argent suit. On va ressortir avec deux coups de pied au quai, seulement je serai le seul à les prendre. Merci à M. Popek pour son merveilleux monologue. Merci, Popek. Et une autre dédicace ce dimanche matin, ce beau dimanche d'automne. Oui, oui, je sais, on n'est pas encore dans l'automne, c'est bientôt, mais c'est pas encore le moment. Michel, alors? Nous allons écouter Mademoiselle Georgette Planard qui va nous interpréter du gris. De la part de Marie-Claire qui souhaite un joyeux anniversaire à Pierrot de l'hôpital. Et sans oublier des bisous ainsi qu'à Marie. Alors Pierrot, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Et puis de la part de Marie-Claire, on va rouler une cigarette en du gris avec Mademoiselle Georgette Planard. Voilà. Eh bien dis donc Michel, c'était dur aujourd'hui. Allez, Georgette Planard, du gris, c'est pour l'anniversaire de Pierrot à l'hôpital. Georgette Planard. Mmh.

Et bien voilà, toujours à l'écoute des 91 de Sorgi FM. Et puis, et bien, on continue. Encore une petite dédicace ce matin, ce dimanche matin. C'est Florent qui m'a téléphoné et qui m'a demandé pour Micheline Amir. On dirait. Alors de la part de Florent pour Micheline Amir, on dirait. Que que t'as toujours été on là. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. J'appelle Arthur les castagnettes, le don Juan du casino. Je suis chanteur et j'interprète les airs d'opérette de Luis Mariano. Je me dilate les amygdales quand je suis devant le micro. À la demande générale, je vais vous chanter Monsieur Dame, le chanteur de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes. Tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Avec mon beau costume de scène, mon costume de toréador, c'est un cadeau de ma tante Germaine qui l'avait fait elle-même pour l'oncle Isidore. L'oncle Isidore, qui était un grand toréador, il était fort, un vrai champion, un matador. Sûrement que maintenant il se bidonne quand il me voit faire le ténor, quand il me voit à quatre pattes pour éviter les tomates qu'on me jette en criant. Oui, mais encore une fois, Mexico, Mexico, ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico, Mexico. Elle ne marche pas, elle caresse le sol avec élégance. Je vois sous leurs pas la terre virée folle d'y tenir leur présence. Des yeux si clairs que le ciel jaloux les brouilles de nuages. Même Dieu s'en veut qu'elles aillent jusqu'au bout. Et qu'importe. C'est pas une vie quand on sait la couleur et l'ennui. Non, c'est pas une vie quand on sait l'horreur et le pire. Mais à travers la pluie, pour chaque femme qui se bat, que je vois. Et sur leurs ailes pas les meilleurs, c'est le bas du podium. Du gentleman raté qui attend son heure. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez m'écouter sur Popcast et que l'émission d'accordéon et de variété de ce dimanche sera rediffusée mardi à partir de 10h. Et vous êtes bien sur les 91 MHz d'autres radios sympathiques sur GFM. Michel en votre compagnie toute cette matinée. Auditrices, auditeurs de Sur GFM, passez une bonne semaine, un bon dimanche. Et bye bye, à bientôt et merci de m'avoir écouté ce dimanche.